La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Andy Warhol est mort à l'âge de 58 ans dans un hôpital de New York des suites d'une opération peu risquée qui s'était déroulée sans problème apparent. Sa crise cardiaque cette nuit-là semble la conséquence d'une vie d'excès divers, trop de travail, trop d'amphétamines, trop de pilules pour maigrir, trop de tout pour cet homme qui a été peintre, sculpteur, photographe, homme de télévision, mannequin, producteur d'un groupe de rock, cinéaste, directeur de magazine et bien d'autres choses encore. De cette activité intense, il reste une œuvre qui se regarde autant qu'elle se comprend et qu'elle se discute, une œuvre protéiforme qui a rebattu les cartes de l'histoire de l'art, comme nous l'avons vu mardi avec Alain Cueff. Et puis demain, nous terminerons notre semaine en parlant du communisme artistique de Andy Warhol, un paradoxe apparent que nous expliquera Didier Ottinger. Et puis il sera question notamment de son roman A Novel avec un autre historien de l'art, Hervé Vanel. Ce sera en deuxième partie de la même émission. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour continuer à analyser l'œuvre d'Andy Warhol et pour tracer des parallèles entre lui et d'autres personnalités, nous sommes en compagnie de Cécile Gilbert, prix Médicis de l'essai en 2008 pour son ouvrage Warhol Spirit chez Grasset, éditeur où elle avait également rassemblé des articles et préfaces dans l'ouvrage en deux volumes, Sans entrave et sans temps mort, dans lequel figurent aussi plusieurs textes sur Andy Warhol. Allez, bienvenue à tous, c'est la Compagnie des œuvres. Andy Warhol looks a scream. Have him on my wall. J'aime l'argent. Cela est mieux. Supposons que vous soyez sur le point d'acheter un tableau de 200 000 dollars. À mon avis, vous feriez mieux de prendre cet argent, d'en faire une liasse et de l'accrocher au mur. Quand on vous rendrait visite, la première chose qu'on verrait serait l'argent au mur. Bonjour Cécile Gilbert. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange. Merci d'être avec nous. Alors tous les paragraphes de votre essai Warhol Spirit sont séparés par un petit dollar orange, une très belle maquette que vous avez là avec ce livre qui est un essai graphique. Il y a un effet d'accumulation comme ça qui est très warholien de mettre des petits dollars orange un peu partout. Bah, il fallait trouver une petite séparation qui est en typographie un nom que j'ai oublié et j'ai trouvé que c'était amusant de mettre le dollar parce qu'en fait c'était quand même une des obsessions de Warhol. Et d'ailleurs quand on lit son journal, il parle énormément de tout ce qu'il achète et il met toujours le signe du dollar et... Ce petit dollar orange, c'est la fusion de l'argent, du signe de l'argent et du graphisme. Il y a ça, et puis bon, c'est quand même aussi ce que va incarner Warhol d'une certaine façon, c'est aussi cette mutation du marché de l'art et ce moment où voilà finalement l'art devient cette valeur dont on ne sait plus très bien comment elle est fixée d'ailleurs, mais En fait, vous dites qu'il y a deux legs principaux de Warhol. Selon deux axes qui sont mêlés, l'avènement de la direction artistique comme levain majeur du business créatif et la fusion de l'art contemporain dans l'industrie du luxe. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde Warhol, bon, il est très familier, il nous est très familier parce qu'en fait, il s'est mu son œuvre, son discours, sa vie à l'intérieur de paramètres qui, à son époque, ont été ceux déjà du consumérisme, de la publicité, des médias, de ce qu'on peut appeler le capital, le marché, etc. Il a usé de tout ça à la fois dans son imagerie, dans son iconographie et puis aussi dans son discours. Il a beaucoup je dirais prophétisé, mais il s'est beaucoup exprimé, si vous voulez, sur cette ère du temps qui était le sien à New York dans les années 60, 70, 80, et notamment ces fameuses années 80, ces années, les fameuses Golden 80s. Et puis en fait, on s'aperçoit, bon, après sa mort, on pouvait s'en apercevoir 10 ans après sa mort, 20 ans après sa mort, et même maintenant, aujourd'hui, où il aurait 92 ans, c'est encore plus fort, bon... c'est qu'en fait tous ces paramètres dans lesquels il a vécu se sont complètement durcis, se sont complètement densifiés. Et alors, il y a ces deux axes dont vous parlez. Le premier, c'est que d'une certaine façon, quand vous avez énuméré tout ce qu'il a été, en fait, il y a toujours cette idée, si vous voulez, de la direction artistique. C'est-à-dire que pour faire les choses aujourd'hui, la catégorie de l'artiste au sens traditionnel, au sens des beaux-arts traditionnels, ne fonctionne plus. Il a été un des premiers à incarner cette mutation, en fait, de l'art vers le tout culturel. Et au même titre, si vous voulez, que les écrivains sont devenus des auteurs, les artistes sont devenus, alors dans le meilleur des cas, des créateurs, des créatifs. Bon, ça, on pourrait discuter sur les nuances des mots. Et aussi des directeurs artistiques. Et il avait dit, finalement, dans le futur, tout sera de la direction artistique. Et c'est ce qu'on constate. Ça, c'est le premier point, le premier axe. Est-ce qu'on peut le regretter, selon vous ? Non, il n'y a pas à le regretter, il y a à le constater, comprendre pourquoi et comment tout ça fonctionne et qu'est-ce que ça implique dans les perceptions, dans le... On en reparlera, mais si vous voulez, bon, il y a aussi tout ce que la technique a permis, et par exemple... Si Warhol a été un grand émetteur de tas de choses et aussi un capteur de l'air du temps, si vous voulez, tous les appareillages techniques que nous avons aujourd'hui, qui étaient déjà les siens à l'époque, finalement, ils sont densifiés puisque chacun a un smartphone et chacun peut émettre des contenus. Il y avait déjà cette dimension-là chez Warhol quand il était vivant. Et quant au deuxième axe, qui est la résorption finalement de l'art contemporain dans l'industrie du luxe, bah, on constate aujourd'hui qu'effectivement, il y a une fusion. Au sens où il avait dit aussi, voilà, que ce qu'il voulait, c'est un artiste d'affaires. Les plus grands artistes contemporains aujourd'hui sont des artistes d'affaires. L'art des affaires est l'étape qui succède à l'art. J'ai commencé comme artiste commercial et je vais finir comme artiste d'affaires. Après avoir fait ce qu'on appelle de l'art ou ce qu'on veut, j'ai plongé dans l'art des affaires. Je voulais être un businessman de l'art ou artiste des affaires. Faire de bonnes affaires, c'est l'art le plus fascinant. Pendant l'ère hippie, les gens méprisaient l'idée d'affaires. Ils disaient « l'argent est nocif » ou « le travail est nocif ». Mais faire de l'argent est un art. Travailler est un art et les bonnes affaires sont le plus beau des arts. Je dois sans doute avoir une interprétation très relâchée du travail, car j'estime que se maintenir en vie est déjà un énorme travail qu'on n'a pas toujours envie de faire. Naître, c'est comme se faire kidnapper, puis être vendu en esclavage. Les gens travaillent à chaque instant, la machine tourne sans cesse, même quand on dort. Le travail le plus dur que j'ai jamais dû faire mentalement, c'est d'aller en justice et de me faire injurier par un avocat. On est vraiment seul quand on se retrouve à la barre des témoins et qu'aucun ami ne vient vous défendre et que tout est calme, sauf vous et l'avocat, et que l'avocat vous insulte. J'adorais travailler quand je faisais de l'art commercial et qu'on vous disait ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire et qu'il n'y avait plus qu'à le corriger pour qu'il vous dise oui ou non. Le plus dur, c'est quand il faut imaginer soi-même les choses totalement dénuées de goût qu'il faut faire. Quand je pense au genre de personne que j'aimerais par-dessus tout engager, c'est un patron. Un patron qui me dirait ce qu'il faut faire parce que ça simplifie rudement le travail. Ce que vous êtes en train de nous dire, Cécile Guilbert, c'est qu'au fond, la société, et en particulier la société des créatifs, et comme nous sommes tous aujourd'hui devenus plus ou moins des créatifs de nous-mêmes, on est tous devenus waroliens ? Alors oui, d'une certaine façon, on est tous devenus waroliens dans la mesure où on apparaît, parce que tout ça est lié aussi à l'apparition dans le marché, si vous voulez, à l'apparition... En termes d'image, quand il a dit que tout le monde allait pouvoir devenir célèbre un quart d'heure, c'est un peu ça ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que, bon, il faut partir du fait que ce qui n'est pas vu n'existe pas. Hein, à partir du moment où ce qui n'est pas vu n'existe pas, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui ne gagnent pas d'argent, il y a beaucoup de gens qu'on ne voit pas, qui n'existent pas ou qui n'ont pas d'importance sur le marché, etc. Mais dès que vous avez une certaine visibilité, à ce moment-là, vous pouvez faire des affaires. C'est donc il faut commencer par être vu, c'est le préalable à tout. Il faut être vu, il faut être célèbre, il faut se faire connaître d'une façon ou d'une autre, qui peut être complètement déconnecté d'un talent quelconque. C'est ce monde-là qu'il prophétise, en fait, et qui est en train d'arriver, c'est effectivement qui ça. Qui est là. À partir du moment où on est vu, où on peut capitaliser sur une célébrité, à ce moment-là, on peut faire toutes sortes d'affaires. Et c'est prouvé. C'est prouvé tous les jours. N'importe quelle star de la mode, de la chanson, du showbiz, du cinéma, n'importe quel fils d'eux, fille d'eux, qui est déjà un capital, non pas seulement biologique, mais un capital social, symbolique, en termes de nom et de célébrité, peut se lancer dans n'importe quoi. Donc pour faire des affaires. Tu fais de la sociologie, alors, Andy Warhol? Bah, d'une certaine façon, oui, parce qu'en fait, comme... il comprend exactement, à la fois très intuitivement, très spontanément. Ce qui est troublant avec Warhol, si vous voulez, c'est qu'on lui dénie toujours le fait d'être un philosophe, parce qu'on dit mais ce type est un abruti quand il s'exprime, il zozote, il raconte des choses complètement débiles. D'abord, il y a une part de stratégie, et puis il est beaucoup moins débile qu'on le pense. Je pense qu'il est très intelligent, mais surtout, il est comme une espèce de pitié qui capterait les choses et qui les recrache d'une façon aphoristique. Et moi, c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à sa parole. Sa parole qui avait toujours été démonétisée, en fait. Et bizarrement, sa parole n'a jamais eu de valeur, d'une certaine façon. Ses œuvres ont de la valeur, elles prennent de la valeur. Tout ce qu'a touché Warhol, paf, ça a atteint des prix stratosphériques sur le marché. Mais ses bouquins, ce qu'on appelle ses bouquins, par exemple, ça n'a jamais... Oui, parce que c'est compliqué de se fier à l'espèce d'ironie constante de la parole de Warhol. Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Mais justement, c'est-à-dire que si on part du principe qu'on la prend au sérieux, on regarde tout ce qu'il a publié sous son nom. Qu'il n'ait pas été un écrivain classique qui se mettait devant sa table et qui écrivait comme à l'ancienne, ça c'est sûr. Il a enregistré des conversations, qu'il a fait retranscrire, etc. Mais bon, il a signé un certain nombre de livres avec des textes. Il y a son journal qui est posthume, il y a Popisme, il y a Ma philosophie de A à B, et puis il y a toutes les interviews qu'il a données à la presse toute sa vie, puisqu'on l'interviewait constamment. Si on lit ça méthodiquement, on s'aperçoit quand même qu'il y a des choses qui reviennent, qu'il y a des sortes de paradoxes qui n'en sont pas, qu'il y a une certaine philosophie de la vie et du monde qui se dégage, qu'il y a une forme de sagesse, à mon avis, une sorte de... que moi j'ai interprété comme une sagesse orientale plutôt qu'occidentale dans les catégories de la philosophie occidentale. Qui serait une forme de retrait par rapport au monde, de surplomb. Qui est liée à sa personnalité et qui est liée à sa spiritualité. Parce que... alors, c'est pour ça que je dis que c'est un philosophe paradoxal, parce que, en fait... il ne théorise pas au sens dur du terme, c'est pas un théoricien, mais la parole qu'il a sur les choses montre que, en fait, est-ce qu'il fait dans la vie, comment il se comporte, les œuvres qu'il produit, les médias, les médiums dans lesquels il se meut et ce qu'il veut faire, prouve qu'il a une sorte comme ça de, il peut être interprété comme une sorte de révélateur physique, philosophique et métaphysique. Alors dans votre livre, vous prenez tout un tas de figures, Cécile Guilbert, et vous les croisez justement avec celle de Warhol. C'est un peu ce qu'on va faire aussi dans notre émission, les miroirs croisés de Warhol. On pourrait commencer avec Basquiat que vous avez croisé d'ailleurs quand vous viviez à New York dans les années 80. C'est une collaboration artistique, Warhol-Basquiat, qui est même davantage que cela. Oui, c'est-à-dire que là, c'est très intéressant parce que finalement, quand Warhol rencontre Basquiat, il est en panne déjà artistique. Et puis, il voit ce gosse et il se voit lui-même, en fait, au même âge, essayant de devenir célèbre à New York, en fait. Hein. Success is a job in New York. Bon, ça, c'est un des choses de ses débuts. Et il voit ce gamin qui raconte des histoires aussi, qui n'est pas du tout un enfant du ghetto, qui est un enfant de la middle class, plutôt éduqué, qui essaye de percer à New York sous le nom de Samo, faisant des graffitis, qui essaye de lui vendre des cartes postales, et il le trouve... ça lui donne un bain de jouvence. Et puis, il se passe quelque chose qui est assez inédit dans sa vie. C'est que, bon, certes, il trouve que Basquiat est très beau, qu'il a une forme d'élégance. Il y a quelque chose dans le corps de Basquiat qui le maraboute un peu, parce que Warhol a beaucoup de complexes physiques. Il a toujours été attiré quand même par la beauté des hommes. Bah lui, c'est une sorte de spectre. Oui. Alors que Basquiat est physiquement quand même très présent. Il est très présent, il est très élégant, il est très vif, voilà, c'est un gamin qui le fascine. Et en même temps, il se passe aussi quelque chose d'inédit, ça, parce que le trouver beau, c'est pas inédit. C'est que, en fait, il va se créer une sorte de paternité symbolique, quoi. Warhol n'a jamais eu d'enfant, évidemment. et il va prendre un peu sous son aile Basquiat. Et Basquiat, lui, va se servir de Warhol, parce qu'évidemment, il est quand même, même s'il est en panne artistiquement, il est quand même le totem artistique à New York dans les années 80. Il est encore très, très, très, très célèbre, il connaît tout le monde, etc. Donc, il y a une sorte comme ça de choses. Chacun y trouve son compte. Et Warhol va donc l'aider, le coacher. Il va se désoler du style de vie de Basquiat, qui se drogue trop, qui sort trop, et puis il va assister à l'éclosion de ce Basquiat, et Basquiat va aussi lui redonner du peps, et ils vont d'ailleurs faire une expo ensemble, ils vont faire des tableaux avec Clemente. D'ailleurs, ils travaillent ensemble sur les mêmes tableaux. Voilà, ils travaillent ensemble sur les mêmes tableaux. Moi, personnellement, je trouve pas que ça soit génial. J'ai pas trouvé que les tableaux produits par Basquiat et Warhol étaient formidables, et ce qu'ils ont fait avec Clemente, mais bon, l'important n'est pas là. L'important, c'est qu'il y a eu cette espèce de jouvence pour Warhol, et que voilà, et que Basquiat a... C'est un peu dans les deux sens, parce que quand même on a le sentiment que Basquiat, il ne fait pas que se servir de son illustre aîné. Il y a une sorte d'admiration quand même sincère. D'ailleurs, il ne lui survivra, évidemment on peut pas faire de lien quand même trop direct, mais qu'une année ou une année et demie finalement, Basquiat. Oui, je pense qu'avec Warhol, il a trouvé comme ça une sorte de père ou d'oncle ou de grand frère, je sais pas trop comment l'appeler, on n'est pas là pour psychanalyser Basquiat, mais il a trouvé comme ça un mentor, en tout cas, ou quelqu'un qui prend soin de lui, qui se fait du souci pour lui, qui lui donne des conseils, parce qu'à un moment, quand Basquiat devient tellement célèbre qu'il n'arrive plus à produire la demande que les galeristes essayent d'obtenir de lui, c'est-à-dire que les galeristes viennent dans l'atelier de Basquiat, raflent les tableaux qui sont même pas terminés, il a du mal à produire, il faut qu'il produise quand même, et là, Warhol est médusé parce que ça lui rappelle, et sa jeunesse, parce que c'est ce qui s'est aussi passé avec ses sérigraphies quand il a commencé à être célèbre, et il lui dit, mais fais attention, il faut que tu gardes des tableaux par-devers toi pour leur faire gagner de la valeur que tu pourras après vendre. Enfin, il essaie de lui donner des conseils, mais c'est un peu compliqué parce que Basquiat est une sorte de météore. Je suis sûr qu'en regardant dans le miroir, je ne verrai rien. Les gens disent toujours que je suis un miroir. Si un miroir regarde dans un autre miroir, qu'est-ce qu'il peut bien voir? Je suis obsédé par l'idée que je vais regarder dans le miroir et que je ne verrai personne, rien. I want what I want, everything. I ain't going out like the dinosaurs. My imagination is a time machine. Andy Warhol's vampire. I want what I want, everything. Chicks in a tank like Master P. All of it, that's for me. Everything, totally. Bigger than bass, bigger than space. Bigger than death staring you in the face. Bigger than time, bigger than air. Level, put a little bit of God in there. Bigger than lies, bigger than truth. The club's four walls, we burnt off the roof. Bigger than love, bigger than hate. Rat in the cage, there's no escape. I want what I want, everything. I ain't going out like Eazy-E. La compagnie des œuvres sur France Culture. Alors, il y a beaucoup de chansons dans lesquelles on entend le nom de Andy Warhol. Celle-ci, par exemple, on en a entendu beaucoup cette semaine. Alors, vous le comparez à un musicien. C'est pas tout à fait un musicien qu'on aurait attendu là. C'est Glenn Gould. Quel rapport entre ce pianiste, tout de même très retiré, très loin des foules, et l'artiste commercial assumé, surexposé, qu'était Warhol, Cécile Gilbert? Oui, enfin, pardonnez-moi, mais je n'ai pas l'impression vraiment de le comparer à lui, parce que c'est vrai que c'est un peu incongru de comparer Glenn Gould à Andy Warhol. Je dis simplement qu'il y a un moment où... Une secrète parenté. Il y a des choses qui m'intéressaient, si vous voulez, dans le rapport qu'ils avaient eu à la technique. Et bon, d'abord, il y a une solitude, il y a un retrait, il y a des corps, une sorte de machine célibataire, d'une certaine façon, il y a cet aspect très fort. Bon, alors, on pourrait dire que Glenn Gould... Célibataire. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que tous les deux sont des sortes de corps qui ne rentrent pas facilement dans la promiscuité des autres, qui sont peut-être vierges, on ne sait pas. On n'a jamais su pour Andy Warhol, en tous les cas. Voilà, bon, on peut discuter longtemps de la sexualité d'Andy Warhol, il en a une, mais si vous voulez le... Bon, rentrons pas là-dedans pour le moment. Restons sur Glenn Gould, qui est bon. Et c'est des personnalités excentriques tous les deux quand même. Alors il y a des grosses différences, c'est que autant Warhol a une expression rhétorique assez floue, volontiers contradictoire, parfois tâtonnante. Bon, moi je pense que c'est un peu comme les maîtres zen, mais ce qui a fait dire qu'il était un peu abruti, qu'il répétait toujours les mêmes bêtises. C'était l'idiot du village, il voilà, voulait jouer à l'idiot du village. En voilà, tout cas. Il y avait ce côté-là, mais c'est cet côté idiot du village, si vous voulez, c'est le holy fool, c'est aussi c'est aussi une forme d'innocence, il y a une forme comme ça de sainteté paradoxale. Enfin bon, tout ça est assez complexe sur le plan spirituel, c'est difficile de le dire comme ça en quelques phrases. Autant Glenn Gould a une expression très forte, enfin il a donné des entretiens, il a des idées très affirmées, etc. Ceci étant, pour revenir à ce qu'il rapproche, c'est une certaine, comment dire, des certaines délégations à la technique qui montrent qu'en fait on peut être un grand artiste et que la technique n'est pas forcément l'ennemi de l'art, en fait. Bon, quand on parle de Warhol, on dit bon, bah finalement, il y a cette histoire de la sérigraphie qui met en place, et puis voilà, les trucs se reproduisent, il y a un procédé mécanique qui permet de reproduire les choses. Bon, certes, effectivement, mais ceci étant, il intervient toujours à la main dessus. Et on peut très bien voir ce qui est les interventions manuelles de Warhol sont quand même assez, assez élégantes. Il a vraiment une main, une patte, un trait. Quelque chose d'ailleurs de très européen, très sophistiqué. Maîtrise de l'espace. Voilà, une maîtrise de l'espace. Et donc, il s'est servi effectivement de la sérigraphie, mais ça n'invalide en rien son talent propre. Quant à Glenn Gould, ben on sait très bien que Glenn Gould, à un moment, s'est complètement retiré du concert, de l'exhibition vis-à-vis du public, pour se concentrer sur la façon de rendre les sons de son piano, de ses enregistrements les plus purs possibles. Il s'est beaucoup intéressé, si vous voulez, à toutes les techniques de studio, d'enregistrement. Donc ça m'a intéressé dans cette... à la fois cette solitude, ces corps un peu retirés, ces personnalités un peu excentriques, et qui en fait ont donné tout à leur art et qui en fait travaillaient constamment. Ces personnalités excentriques d'une grande candeur, d'une grande pureté, oui. Qui sont en dehors de la société. Et ça, c'est apparemment paradoxal pour Andy Warhol, qu'il se présente, enfin qu'on peut en tout cas le penser comme étant en dehors du flow, alors qu'il donne l'impression d'être complètement dans le flow. Alors oui, c'est-à-dire que justement, alors ce qui les différencie, si vous voulez, c'est qu'autant on voit très bien que Glenn Gould partait en pleine campagne dans sa maison, retiré de tout et qui vivait vraiment au Canada, dans la nature. Hein, j'ai vu des films, je ne sais pas si vous les avez vus aussi, on voit des films, on voit la maison de Glenn Gould, ouais, et complètement isolé dans la nature. Et évidemment, Warhol, lui, vit en plein cœur de Manhattan, donc à l'intérieur de l'environnement urbain, sans doute le plus trépidant. Et pourtant, il a réussi à se ménager un espace à l'intérieur de cette toxicité environnante qui, à mon avis, vient de ses dispositions personnelles, de sa personnalité, et qui viennent aussi d'un certain retrait spirituel que j'ai interprété, moi, comme une sorte de vide. Il prend appui sur une sorte de vide qu'il ne confond pas avec la vacuité qui l'entoure. Alors, puisque vous parlez de spiritualité, j'ai envie d'évoquer ici le nom de Jean-Paul II. Il y a deux façons pour Warhol de se rapprocher du pape Jean-Paul II. Un, c'était une star. Et deux, c'était le chef de l'Église catholique. Deux choses qui vont parfaitement bien, la religion et le star system, à Andy Warhol. Alors, il faut comprendre que... si j'ai voulu faire un chapitre sur le pape et Andy Warhol, c'est parce qu'il y avait des choses qui m'avaient intrigué dans son journal. C'est on lui disait toujours, mais pourquoi vous faites pas le portrait de pape? Après tout, vous faites le portrait de toutes les célébrités de votre temps, et pourquoi pas le pape? Bon, il faut savoir qu'Andy Warhol était catholique, que catholique signifie universel, que d'une certaine façon, en tant qu'artiste, il a voulu toucher à tout, un peu comme Léonard en son temps, toute proportion gardée, puisqu'on n'est pas du tout dans les mêmes coordonnées, on n'est pas du tout à la Renaissance, on est à la deuxième moitié du XXe siècle. Donc évidemment, quand on touche à tout à la deuxième moitié du XXe siècle, on ne touche pas à tout comme Léonard de Vinci. Un certain nombre de choses, pendant toute sa carrière, il y a eu ce rapprochement avec Léonard de Vinci, parce qu'il a fait des œuvres des dérivées de Léonard de Vinci, parce qu'on l'a appelé le Léonard de Vinci de la chaussure quand il faisait des illustrations. Ça, c'était de chaussures. Peut-être un petit peu ironique. Voilà, c'était un petit peu ironique. Et puis finalement, ils avaient tous les deux, comme les papes, un nom de règne. On disait Léonard. Il n'y a plus besoin de dire Léonard de Vinci. Quand on dit Léonard, on sait que c'est Léonard de Vinci. Quand on dit Andy, on sait que c'est Andy Warhol. Bon, je me suis amusé avec ça. Puis surtout, je me suis amusé avec le fait que, un jour, c'est une intuition que j'ai eue comme ça, que finalement tous les portraits de stars de Warhol étaient numérotés. Lise 1, 2, 3, 4, Marilyn 1, 2, 3, 4. Et que d'une certaine façon, cette numérotation des stars était assez subversive, parce qu'elle montrait que finalement, une remplaçait l'autre, qu'elles étaient peut-être interchangeables, qu'on pouvait les mettre en série comme ça. Et puis je me suis dit, mais qui sont les papes aussi, en fait, les papes, ils ont le même prénom, et puis on dit 1, 2, 3, 4, Jean-Paul 1, Jean-Paul 2. De temps en temps, on change de prénom. Voilà, on change de prénom, il y a cette mise en série qui est très warholienne, en fait. Mais toute la différence est que le pape est unique, et que ils peuvent se succéder, la même substance pape, si vous voulez, règne toujours à un moment. Et cette substance pape, finalement, elle est plus célèbre que n'importe quelle star. Et elle est plus pop aussi que n'importe quelle star. Enfin, c'était le cas en tout cas de Jean-Paul II. C'est Warhol qui avait dit, je crois, en 1965, alors que Jean-Paul II faisait une visite. Paul VI. Pardon, oui, je me trompe évidemment de pape. Tout d'un coup, ça me saute aux yeux. J'ai pris une vraie leçon de show business et de style pop à l'occasion de cette visite. Mais oui, parce qu'il a vu le pape arriver à New York, qui était comme acclamé partout comme une méga star. Et en plus, quand le pape, on lui a demandé ce qu'il pensait de tout ce qu'il avait vu, de tout ce qu'on lui avait montré, il a dit « tutti buoni », c'est-à-dire « tout est bon », ce qui est une affirmation complètement pop et très très warholienne pour le coup. Et donc Warhol a toujours joué avec l'idée de portraiturer le pape, mais il l'a jamais fait. Bon, et puis par ailleurs, il y a une autre identification qui est intéressante, si vous voulez, c'est que finalement le pape s'est fait tirer dessus lui aussi. Hein, il y a eu un attentat contre Jean-Paul II le 13 mai 81, et qui n'a pas pu ne pas rappeler à Warhol qu'il avait été lui-même aussi victime d'une tentative d'assassinat par balle en 68, et dont il parle longuement dans son journal. Et en fait, je pense qu'il y a une forme comme ça d'identification sacrificielle, parce qu'il sait très bien aussi que quand on est élu, on est aussi, d'une certaine façon, condamné. C'est que toute élection a un revers de condamnation. Il a toujours dit, on m'aurait pas tiré dessus si j'étais pas Andy Warhol, comme on n'aurait pas tiré sur le pape s'il avait pas été le pape, si vous voulez, il y a ce lien. Donc finalement, il y a des liens complexes et riches entre cette image du pape, qui est unique, Et le fait que Warhol, en bon catholique, de rite uniate, c'est-à-dire papiste, ne l'a jamais portraituré. Finalement, il l'a laissé de côté. Oui. Alors, il y a une photo hein, que vous reproduisez dans votre livre où on voit Andy Warhol serrer la main du pape. Il a son petit appareil photo autour du cou. C'est presque assez mignon. Oui, il l'a rencontré. C'est vraiment un fan, quoi. Oui, il l'a rencontré quand il est venu à Rome avec Fred Hughes. Il dit « Fred Hughes, je lui ai baisé l'anneau, moi j'ai pas voulu. On a dit qu'on venait de New York. » Je sais pas si le pape en question savait qui était Andy Warhol, sans doute. Mais c'est assez étonnant. Alors encore, un parallèle qu'on peut faire. Religion, Andy Warhol, le pape, Léonard de Vinci, tout cela se retrouve dans une de ses dernières œuvres, le dernier souper, c'est la scène de Léonard de Vinci reprise et interprétée par Andy Warhol, bon évidemment interprétée à sa manière puisqu'il y a une espèce de colombe, donc dove en anglais, qui traverse la toile, et dove c'est, comme on le sait, une marque de savon. Et puis il y a aussi les lettres GE qui pourraient faire penser à General Electric. Là, on est vraiment directement dans la référence immédiate à sa religion catholique et à Léonard de Vinci. Oui, alors je trouve toujours assez beau cette histoire d'avoir repris la scène à la fin, quoi qu'on pense des œuvres réalisées, parce que d'abord il en a fait beaucoup de versions, plusieurs versions, où on trouve effectivement ces logos publicitaires dont vous parlez, mais aussi d'autres choses qui en sont dépourvues. Il a fait toute une série, et il l'a fait dans le plus grand secret, et ça, à mon avis, c'est signifiant. Troublant, parce qu'il meurt juste après, mais enfin, il n'y a aucune raison qu'il sache ou qu'il sente qu'il allait mourir. En plus, ce qui est très troublant, si vous voulez, c'est qu'une de ses dernières expositions devait être cette exposition de la scène, c'était sa dernière exposition, en plus, dans une galerie située quasiment en face de là où se trouve la réelle scène de Léonard de Vinci à Milan. Et puis, il faut voir que toute sa jeunesse, il a eu dans la salle à manger de ses parents cette reproduction de la scène de Léonard de Vinci. Il y a quelque chose qui est très fort qui le lie à ça, qui est lié à sa culture catholique, qui est lié à son retour vers la religion et vers l'Église après la tentative d'attentat. Une sorte comme ça de fidélité, de piété filiale. Sa mère avait une reproduction aussi de ce tableau dans son missel. Il a connu cette image toute sa vie, et donc c'est sa dernière œuvre qu'il fait dans le plus grand secret et qui, en fait, laisse ouvert des tas d'interprétations en fonction de ce qu'il a effectivement accolé sur les tableaux. Et quelle est votre interprétation à vous ? Eh ben moi, je pense que justement, il a laissé tout ouvert. C'est une façon très belle aussi d'en terminer. L'espace est un seul et unique espace. La pensée est une seule et unique pensée. Mais mon esprit divise ses espaces en espaces et en espaces, et ses pensées en pensées et en pensées, comme un énorme appartement. Il m'arrive parfois de penser à l'espace unique et à la pensée unique, mais c'est rare. En général, je pense plutôt à mon appartement. C'est un appartement qui a l'eau courante chaude et froide avec quelques pickles de Heinz, des cerises enrobées de chocolat. Et quand la machine de chez Woolworths qui me sert à faire du fudge sundae marche, alors je sais vraiment que j'ai quelque chose. Cet appartement m'édite beaucoup. Il est généralement fermé l'après-midi, le soir et le matin. Être vraiment riche, à mon avis, c'est avoir un seul espace, un immense espace vide. L'espace vide est un espace jamais gâché. L'espace gâché, c'est n'importe quel espace affublé d'art. Un artiste, c'est quelqu'un qui produit des choses dont les gens n'ont pas besoin, mais que lui, pour certaines raisons, estime souhaitable de leur donner. D'une part, je crois aux espaces vides, et d'autre part, je fabrique toujours de l'art. Je fabrique toujours des saloperies pour que les gens les mettent dans leurs espaces qui, à mon avis, devraient rester vides. C'est-à-dire que j'aide les gens à gâcher leur espace, alors qu'en vérité, je voudrais les aider à vider leur espace. Si je vois un fauteuil dans un bel espace, quelle que soit la beauté du fauteuil, il ne peut jamais être aussi beau que dans l'espace vide. Ma sculpture préférée, c'est un mur bien épais avec un trou dedans pour encadrer l'espace de l'autre côté. À mon avis, nous devrions tous vivre dans un grand espace vide. Ce peut être un petit espace du moment qu'il est propre et vide. J'aime la manière dont les Japonais rangent tout dans des placards. Mais je préférerais qu'il n'y ait pas de placard parce que c'est hypocrite. Mais si on ne peut pas aller jusqu'au bout et qu'on estime réellement avoir besoin d'un placard, il faut alors que le placard soit une portion d'espace totalement séparée afin de ne pas trop l'employer comme béquille. Si l'on vit à New York, il faudrait que le placard soit au moins dans le New Jersey. Maintenir le placard à bonne distance de l'endroit où l'on vit. On ne peut pas avoir le sentiment de vivre la porte à côté de son dépotoir. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et Valérie Lang qui lisait un extrait de Ma philosophie de A à B et vice-versa de Andy Warhol. Nous sommes toujours avec vous, Cécile Gilbert. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il fallait faire attention à ce qu'écrivait Andy Warhol. Là, on a l'impression que pour un collectionneur comme lui, parler comme ça des espaces vides et dire que au fond, l'art, c'est ce dont il faudrait absolument se débarrasser pour ne garder que des murs et des sols non encombrés, voilà, quel crédit apporter à ce genre de déclaration ? Est-ce qu'on n'est pas déjà un peu dans la performance quand on lit ce texte-là ? Bah, évidemment, c'est sûr que si on connaît ce qu'était l'habitation de Warhol, c'est-à-dire un environnement absolument bourré d'affaires, puisqu'il ne cessait d'acheter des choses qu'il déballait même pas. Quand, après sa mort, on a retrouvé dans son hôtel particulier, sur tous les étages, des sacs de boutique, des cartons, même pas ouverts. Pourquoi acheter Voilà, donc il achetait, il y avait une sorte comme ça de compulsion. Donc on se dit effectivement dans sa vie c'était pas du tout le cas, mais je comprends que son aspiration ait pu être ça, parce qu'encore une fois, ayant toujours trouvé que Warhol avait finalement une spiritualité de type oriental, que c'était quelqu'un qui avait très bien compris un certain nombre de choses concernant le taoïsme, intuitivement encore une fois, hein, il n'avait pas lu sans doute de livres sur le taoïsme, oui, ou sur la pensée. Il n'avait pas non plus tellement mis en pratique. Il n'avait pas tellement mis en pratique, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il a quand même voyagé en Asie plusieurs fois et qu'il a été témoin d'un certain nombre de choses. Et il a très bien compris ce qui était le ressort comme ça, et que spirituellement, il fallait se dépouiller des choses, évidemment. Qu'il fallait mieux avoir des espaces vides, que c'était reposant, que c'était aussi un signe de pureté. Et dans son journal, en 1984, il écrit « Le vide est en train de s'emparer de la planète ». Ah oui, alors ça, c'est un autre vide, évidemment. Il ne faut pas confondre le vide, qui peut être un point d'appui spirituel qui est libérateur, avec la vacuité, qui est une sorte comme ça de d'inanité, si vous voulez, de tous les phénomènes qui nous entourent. Donc il s'est mu dans un univers de vacuité extrême, et d'ailleurs son journal est fascinant pour ça, c'est-à-dire que son journal posthume, où il a tout noté, de ces conversations téléphoniques tous les matins qui ont été retranscrites, où il raconte absolument ce dont il est témoin à New York, dans cette espèce d'environnement à la fois ultra superficiel et complètement frivole, et en même temps d'une inconscience folle. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une soirée de charité, qui fait un truc sur les camps de concentration et qui, 5 minutes après, fait une pub pour son nouveau parfum, bon, des choses comme ça. Qui vous fait penser à Saint-Simon. Oui, qui vous fait penser à Saint-Simon. Comparé Versailles à New York. Évidemment, ça a l'air complètement dément, aussi dément que Glenn Gould de le comparer à Saint-Simon, mais si vous voulez, il y a des grands parallèles. C'est-à-dire que dans un monde complètement falsifié, où il y a un mensonge, alors dans un cas le mensonge de l'État absolutiste, dans un autre le mensonge de la société du spectacle, si vous voulez, on ne peut croire que les gens qui ont été témoins de ce qu'ils racontent. Et donc c'est deux témoins absolument, deux voyeurs, d'abord des gens qui sont obsédés par le fait de voir, de se dévoyeur. Hein, c'est peut-être leur perversion, c'est ce voyeurisme et cette extraordinaire appétence pour voir les autres, le monde social. Et en fait, c'est des révélateurs de ce néant social, de cette comédie sexuelle, de cette comédie mondaine, qu'ils épinglent avec beaucoup de cruauté, parfois d'humour, où tous les autres finalement deviennent comme sous leurs œils d'entomologistes, deviennent des sortes d'insectes avec des mœurs absolument bizarres, souvent animales, etc. Donc il y a ce côté. Puis c'est aussi, encore une fois, c'est des êtres voilà qui sont complexés physiquement, qui n'ont pas des vies. Si vous voulez, ils vivent aussi par procuration à travers la vie des autres. Oui. Le néant, c'est peut-être aussi ce que décrit un écrivain que vous aimez beaucoup, Bret Easton Ellis. Je crois que Andy Warhol avait bien aimé un certain nombre de ses livres, et notamment American Psycho. Bryce porte un costume de lin Canali Milano, une chemise de coton Hagbéar, une cravate de soie Bill Blass et des Brooks Brothers à lacets et boufferrés. Moi, je porte un costume de lin très fin, pantalon à pinces, une chemise de coton, une cravate de soie tachetée, Valentino Couture, et des Allen & Mons en cuir perforé, à bout renforcé. Une fois, au Harris, nous avisons David Van Patten et Greg McDermott à une table du devant. Van Patten porte un veston de sport croisé laine et soie, un pantalon laine et soie à plis, creux et braguettes boutonnées Mario Valentino, une chemise de coton Jetman Brothers, une cravate de soie à petits pois Bill Blass et une paire de Brooks Brothers en cuir. McDermott porte un costume de lin tissé avec pantalon à pinces, une chemise Basile, coton et soie, une cravate de soie Joseph Aboud et des mocassins en cuir d'autruche Susan Bennis Warren Edwards. Tous deux sont penchés sur la table en train d'écrire sur leur serviette en papier, chacun un verre posé devant lui, respectivement un scotch et un martini. Ils nous font signe. Price jette son attaché-caisse de cuir Toomey sur une chaise vide et se dirige vers le bar. Je lui crie de me commander un JB on the Rocks. Alors Cécile Gilbert, il y a cet extrait d'American Psycho. C'est peut-être moins que zéro finalement qu'on aurait dû vous faire écouter, parce que le zéro c'est quelque chose qui plaît beaucoup à Andy Warhol. Ah oui, le zéro c'est très ambivalent, c'est à la fois l'origine, le vide, le rien. Mais est-ce que le rien c'est le néant? Est-ce que le néant n'est pas l'équivalent de l'être? Bon là on rentrerait dans une conversation trop poussée. Ce que je veux dire, c'est qu'il était effectivement à New York au moment où Bret Easton Ellis a fait paraître ce premier livre, Less Than Zero, Moins Que Zéro, qui a été une sorte de petit phénomène, parce qu'il y avait tout ce qu'on appelait le Rat Pack autour, Jay McInerney, comme ça, toute cette histoire de jeunes auteurs, youpies, etc. Donc ça a intéressé. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point Bret Easton Ellis lui-même, à 20 ans déjà, s'est inspiré de ce qu'il pouvait lire dans la revue de Warhol qui s'appelait Interview, qui avait été lancée à la deuxième moitié des années 70, et où il y avait déjà ce style conversationnel décousu, snobissime, où on a l'impression que tous les cerveaux sont sous coke, ils disent n'importe quoi, et en même temps tout ça est très... Et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans les conversations de Bret Easton Ellis dans Glamorama, par exemple, beaucoup plus tard, évidemment. On n'a pas vu assez à quel point mais par exemple, Bret Easton Ellis a, entre guillemets, repris l'univers de Warhol. Oui, moi j'étais assez fier le jour où j'ai trouvé un texte d'interview où on fait une description d'un dîner mondain dans les années 75 et où tous les personnages de ce dîner mondain sont décrits avec les fringues et les marques. Ce qu'on va retrouver dans American Psycho plusieurs années plus tard. C'est pour ça que j'ai mis ces deux textes en parallèle sur les deux pages pour qu'on voit à quel point Bret Easton Ellis en fait, avait chopé ce procédé dans la mouvance de Warhol et d'Interview. Donc Warhol a vécu sans ego, c'est ce que vous dites dans Warhol Spirit. EGO, oui. Ouais. Alors pourquoi sans ego? On a l'impression parfois, mais il n'y a que des paradoxes avec Warhol. Sans EGAUX non plus. Jusqu'à aujourd'hui, il y a pas d'ego, il y a pas, je sais pas moi, Damien Hirst qui travaille aussi sur. Alors attendez, je dis qu'il a vécu sans ego EGAUX et sans ego EGO. Oui. Alors ça peut paraître paradoxal. Prenons-les dans l'ordre. Non, mais ça peut paraître paradoxal parce qu'on se dit, bah, pourquoi il a pas d'ego ? Non, en fait, justement, il a pas d'ego parce que contrairement, alors que les autres sont des épigones, c'est-à-dire que les autres artistes contemporains d'aujourd'hui sont des épigones, ce sont des business artistes, ce sont des directeurs artistiques qui font souvent créer leurs œuvres, non pas par une factory qui était une usine foutraque amusante, mais par des vraies usines avec des gens qui font des produits manufacturés. C'est quand même ça. C'est des designers. La vraie différence, bah, c'est des directeurs artistiques. Ils ont une idée. Bah, vous prenez Damien Hirst par exemple. Damien Hirst, si vous regardez son grande expo à Venise avec son vaisseau qui a sombré dans les flots qu'on a retrouvé et tout ça. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Damien Hirst ? Il a trouvé cette idée génial. Je dis pas que c'est pas génial. C'est une idée géniale et il l'a fait réaliser les objets dont il a eu l'idée, si vous voulez, par des ateliers. Alors que Warhol, il peignait lui-même. Mais Warhol, c'est pas du tout la même chose. Warhol ne crée pas de produits manufacturés. Son art, même s'il utilise la sérigraphie, qui est un procédé technique, elle est rehaussée à la main. C'est comme quand vous faites une litho de Picasso, il la rehausse à la main avec de la couleur. Parfois, il ne fait pas des objets de manufacturés. C'est-à-dire qu'il y a la trace de la main quand même humaine chez Warhol dans son œuvre. Alors pas dans ses films c'est autre chose, ce sont des films. Bon après on va vous dire que c'est pas très important non, mais qu'il y ait la trace dire, de la main chez l'artiste. Non mais ce que je veux dire, si vous voulez, quand je dis qu'il a pas d'ego, c'est que Warhol était quelqu'un qui disait donnez-moi des idées. Il demandait aux autres de lui donner des idées et il avait aucune, si vous voulez, fierté d'avoir trouvé une idée lui-même ou de la signer. C'est dans ce sens-là qu'il n'avait pas d'ego EGO. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'impersonnalisation, d'être impersonnel. Même s'il ne l'est pas, il y a une volonté de disparaître, si vous voulez, de pas mettre son ego en avant, ce qui est pas du tout le cas des artistes contemporains qui mettent leur ego en avant. Vous ne me dites pas que Jeff Koons ne met pas son ego en avant. Si, je pense qu'en effet, on doit pouvoir dire quelque chose comme ça. Il le mettait si peu en avant son ego qu'il aimait beaucoup les doubles et parfois il déléguait des gens, je pense à Alan Midget, pour prendre sa place dans des conférences, ce genre de choses. Cécile Gilbert. Oui, il avait créé un sosie qui était Alan Midget, qui s'habillait exactement comme lui. Perruque, lunettes, col roulé, veste en cuir, boots, jeans, et qui est allé faire des conférences à sa place. Et de toute façon, qui a fait d'ailleurs un ultime happening après la mort de Warhol. C'était assez amusant. Oui, parce qu'en fait, bon, c'était aussi une forme de provocation, bien sûr. Mais ça montre à quel point... Finalement, il avait très bien compris comment marchaient les lois du showbiz, à savoir est-ce qu'un journaliste veut vraiment que la personne X lui réponde. Ce qu'il veut, c'est entendre un certain nombre de choses qui s'attend à ce qu'on lui dise. En l'occurrence, je crois que Alan Midget ne disait rien. Il mâchait du chewing-gum et puis il répondait par des onomatopées, il jouait à l'idiot. Et c'est ça qu'attendaient les médias, parce qu'en fait, les médias n'attendent jamais que vous leur disiez autre chose que ce qu'elles imaginent que vous allez leur dire. Et ça, Warhol aussi l'avait très bien décrypté dans les interviews qu'il donnait, c'est-à-dire qu'en fait, il retournait les questions il retournait des questions à ses intervieweurs qui étaient évidemment déstabilisés. Et en fait, il avait remarqué finement que, en fait, quand on vous interviewe, surtout pour voir la promo de quelque chose, on sait déjà ce qu'on va écrire d'une certaine façon. Hello, that's it. Hello, that's it. Hello, that's it. Hello. Chez Andy Warhol, le roi de l'opart et de l'underground movies. L'underground movies, c'est le cinéma des profondeurs. Un cinéma absurde, négatif et signifiant tout de même, paraît-il. C'est la grande vogue ici. On voit pendant 90 minutes un homme qui dort, un long baiser de 115 minutes ou encore une délicieuse prêtresse qui répète inlassablement « Allô, Plazait ». Hello, Plazait. Celle-ci, c'est Nico, l'une des vedettes de la Dolce Vita. Est-ce qu'il a des références cinématographiques ? Des références ? Oui. Mmh. Est-ce qu'il essaie de faire quelque chose qui ressemble à un travail d'un autre ? Have you ? Non, ça ressemble à... absolument à rien. Ouais. Ah, ça ressemble à rien ? Non, c'est juste... It's really doing nothing. Oh. That's all. That's all. Ça, C'était un extrait de reportage de Maurice Sévenot à la Factory en 1966. Ça vous a même fait rire, Cécile Guilbert, la question de ce pauvre Maurice Sévenot qui demandait, c'est une question très légitime, à Andy Warhol s'il avait des références cinématographiques. C'est pas une question qu'on pose, ça, à Andy Warhol. Bah, je pense que de toute façon, il adorait les stars, le glamour, Hollywood. Il a fait semblant ou il a cru à un moment qu'il allait faire aussi des films. Mais bon, de toute façon, il a pris tout de suite une voie qui n'était pas celle d'Hollywood, ça c'est sûr. Il adorait le vide de Hollywood, justement. Oui, le vide, cette espèce de superficialité. Mais bon, en même temps, Hollywood, ça représente beaucoup de travail et de professionnalisme. Et bon, lui, il faisait quand même des films avec ses superstars. Et de toute façon, il faisait autre chose. Il faisait des films expérimentaux. Il faisait des films dont il disait il vaut mieux en parler que les voir. Et c'est vrai que souvent, il vaut mieux en parler que les voir. Mais ceci étant, la démarche cinématographique qui consiste à filmer une action très longtemps, ou c'est aussi quelque chose d'hypnotique et qui est une attention aux choses. C'est très conceptuel. C'est bien sûr, c'est emmerdant de regarder l'Empire State Building pendant 8 heures d'affilée. Parce comme dans son film Empire. Mais voilà. En même temps, c'est pour le coup, porter attention à quelque chose pendant longtemps, c'est-à-dire être au monde, et c'est-à-dire faire le contraire de ce qu'on reproche à Andy Warhol, c'est-à-dire d'être dans l'artificialité. Tout à fait, parce que finalement, qu'est-ce que la poésie ? C'est l'attention aux choses. Donc c'est un poète, Andy Warhol. Ouais, d'une certaine façon, oui. Alors bon, parmi les superstars, il y en a une dont il faut parler peut-être un peu plus que les autres, c'est Eddie Sedgwick. Est-ce qu'elle avait d'ailleurs le titre de superstar, Cécile Guilbert ? Bah, elle était pas une. C'est un peu différent. Hein. C'est un peu différent parce que d'abord, elle a pas de pseudo, alors que toutes les superstars ont des pseudonymes, des choses qui claquent justement avec des noms fantastiques. Donc elle, non, c'est son nom, Eddie Sedgwick, c'est son vrai nom, son vrai patronyme. Et puis c'est pas une superstar, c'est un peu le double que Andy Warhol rêve d'être en fait. S'il avait été une femme, il aurait aimé être Eddie. Alors pourquoi ? Redites-nous un peu qui elle était. Alors Eddie, c'est une fille d'une grande famille de la côte Est, une sorte de patricienne, hein, de WASP, comme on dit. Donc elle a un très beau corps, un très beau visage, elle est jeune. Du vieil argent, parce qu'il y avait 4 critères pour Andy Warhol, pour le prestige de quelqu'un, c'était le corps, le visage, la situation financière et aussi mondaine et sociale. Amour, gloire et beauté. Donc elle avait 3 sur 4, parce qu'en fait elle avait un superbe corps de danseuse, très délié, très fin, très beau, hein, très beau visage. Vieil argent, old money, qui fascinait Warhol, qui était quand même un parvenu, qui était un fils d'ouvrier, qui avait gagné de l'argent, mais enfin qui était un parvenu, qui était fasciné par le vieil argent américain, WASP, en tant qu'immigré, fils d'immigré. Et puis, mais elle n'avait pas le quatrième point, parce que le quatrième point, c'est la situation mondaine et sociale. Et en fait, à part avoir été l'égérie d'Andy Warhol, d'avoir été tournée, filmée par Andy Warhol, ou avoir été dans l'entourage d'Andy Warhol, on se souviendrait pas d'Eddie. Elle a rien fait de sa vie. Eddie, elle est morte à 28 ans d'une overdose. Mais c'était une femme qui avait une grâce, qui avait quelque chose qui fascinait Warhol. Et d'ailleurs, elle aussi était fascinée par lui. Et ils étaient en fait dans une espèce de rapport gemellaire, spéculaire. Ils s'habillaient l'un comme l'autre, de la même façon, avec les mêmes vêtements. Elle signait Andy Warhol. Quand on lui demandait des autographes. Et un jour, ils sont allés à une exposition, tous les deux, et ça a été l'émeute, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont même pas besoin qu'ils rentrent dans l'exposition. Ils étaient eux-mêmes l'exposition dès qu'ils sont sortis de leur limousine, et ça a été l'émeute. Alors Warhol a dit de Eddie qu'elle avait une qualité de vide poignant et vulnérable. Elle était un vide magnifique, extraordinaire, le fin du fin. Oui. À la fois, c'est quand même assez triste et troublant. Oui, c'est un peu triste parce que voilà, cette femme avait un désir d'être sans doute d'être actrice, d'être regardée, d'être. Puis bon, elle a pas fait carrière, elle a tourné dans plusieurs films d'Andy Warhol, mais enfin bon, c'est pas la carrière d'actrice standard hollywoodienne ou autre. Et puis bon, elle a été vampirisée par Warhol. Ben, sans doute comme tous ceux qui se sont prêtés, qui ont prêté leur corps, leur visage à ces films, à ces. Mais je sais, écoutez, je vampirisé. Oui, ben, il avait un côté vampire, ça c'est sûr, mais. Je pense qu'il y a eu un rapport assez tendre entre eux. Ils ont dû se disputer aussi. Moi, je connais pas tout, toute leur intimité, mais. Enfin bon, l'hommage que lui rend Warhol dans. Philosophie de A à B, quand même, est assez. Je crois que en plus, c'est un chapitre qui s'appelle Grand amour ou Premier amour ou quelque chose qui est lié à l'amour. Et en fait, c'est très rare de trouver chez Warhol cette référence à des sentiments. Parce que c'est quelqu'un de pudique et qui est plutôt à dire je ne m'investis pas ni dans le sexe ni dans les sentiments. Lou Reed, autre personnage qui a fréquenté la Factory. On n'a pas beaucoup parlé du Velvet Underground dans cette semaine encore. Ce qui est intéressant avec Lou Reed, c'est qu'en fait, Warhol a la chance, à un moment où il cherche un groupe de rock pour mettre au point une espèce de spectacle multimédia et d'aller un peu dans ce domaine, il a la chance de tomber sur ce groupe qui est qui est typiquement new-yorkais, qui a un son particulier avec toute cette qui va beaucoup inspirer d'ailleurs tous les musiciens qui suivront. Oui, voilà, c'est un authentique excellent groupe, c'est ça. Ouais. Et c'était pas gagné parce qu'en fait il les a repérés à leur début, donc en fait il produit leur premier disque, il leur fait prendre Nico comme chanteuse, ce qui n'était pas non plus prévu au début. Et puis il tire un peu la couverture à lui. Et puis il y a, bon, ce que savent peut-être moins les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un show en fait qui est autour de dans les premiers temps du Velvet, hein, après leur premier disque. Il y a tout un show qui s'appelle le EPI, Exploding Plastic Inevitable. Voilà, qui est un show multimédia d'une certaine façon, où il y a à la fois des projections sur les murs, une musique assourdissante, le groupe qui se produit, des danses et tout ça produit une sorte d'environnement sensoriel saturant. Et la banane. La banane, c'est ce qu'il y a sur la pochette du premier disque. D'ailleurs, le recto de la pochette, il y a juste écrit Andy Warhol. C'est quand même étonnant parce que c'est un groupe et il y a juste Andy Warhol. Et en fait, c'est au verso de la pochette qu'il y a le nom du groupe, qui compose ce groupe, les titres des chansons, etc. Et la banane, il y avait une authentique petite autocollant sur la pochette où il y avait écrit « Peler doucement » et on pouvait tirer la... J'aurais ce petit autocollant. Vous l'avez, j'espère, non, cet original. Non, je ne l'ai pas, j'ai Sticky Fingers. Ah, bon, si on souhaite vous le donner, vous le procurer, on peut contacter France Culture. Karl Lagerfeld. Alors, Karl Lagerfeld, il illustre exactement une des intuitions de Warhol, à savoir que dans le monde qui vient, le monde qui y est, mais le monde surtout qui va être... Finalement, la mode, la fashion va s'étendre à toute la sphère culturelle. Et il a connu Karl Lagerfeld au début des années 70, quand il venait à Paris. D'ailleurs, il a tourné un film, je crois, chez Karl Lagerfeld. Oui, L'Amour, qui s'appelait L'Amour. Et en fait, bon, ils sont connus, mais si vous voulez, Warhol n'a pas vu ce qui est devenu Karl Lagerfeld, parce qu'en fait, ce qui a explosé, c'était après la mort de Warhol, quand Karl Lagerfeld a explosé dans les années 90 comme une espèce de super directeur artistique multimarque, hein, une sorte de mercenaire de toutes les marques, qui ne s'est jamais revendiqué comme un artiste de la couture, hein, c'est sa grande querelle et son grand différent avec Yves Saint Laurent, c'est-à-dire que Karl Lagerfeld a toujours dit « je suis un mercenaire », je suis un fournisseur, je ne suis pas un artiste, mes robes ne doivent pas aller au musée, on les porte, on les jette, on en change. Donc ça, c'est très warholien, alors. Ça, c'est très warholien. Ce qui est très warholien, surtout, c'est qu'il est devenu un business créateur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il avait capitalisé sur cette célébrité planétaire et qu'il était comme Warhol, une sorte de personnage, une marionnette qui avait mis au point son propre look, son propre code reconnaissable partout, il pouvait après se déployer sur l'ensemble de tout, c'est-à-dire des livres, la photo de mode, il pouvait faire n'importe quoi. Je veux dire, dès que Karl, c'est le roi Midas, c'est-à-dire que dès qu'il touche quelque chose, ça devient de l'or. Exactement ce qui est arrivé à Warhol à son époque, sauf sur ses livres. Je viens là-dessus et j'y tiens parce qu'en fait... Les livres ne se vendaient pas ? Les livres ne se vendaient pas, et moi je me souviens quand j'ai commencé à vouloir me procurer, j'en avais quelques-uns, mais tous les livres de Warhol, je suis allé sur internet pour les commander, et en fait j'ai eu accès à des livres qui étaient la première édition de ces livres. Ça veut dire que la première édition de ces livres n'était pas intégralement vendue 20 ans après sa mort. Est-ce que c'est pas un symptôme aussi du passage d'une société à une autre ? Bien sûr. Et Warhol a participé du passage d'une société de l'écrit à une société de l'image. Mais tout à fait, il incarne cette espèce d'omnipotence du visuel, et le culturel et voilà dans le visuel et c'est pour ça aussi bon il a fait ses livres, mais pour revenir à Lagerfeld, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment il peut mettre la main sur absolument la totalité de la production culturelle, des disques, faire des compilations, des livres de régime, etc. Tout voilà, comme disait Napoléon, commander, c'est parler aux yeux. Donc en fait, on vit dans un monde où on nous commande du matin au soir en parlant aux yeux. Ouais. Il faut dire un mot sur la mort et Andy Warhol. J'ai raconté dans le chapeau comment il mourait de façon un tout petit peu inattendue, peut-être aussi quand même des suites de son accident, enfin pas de son accident, mais de l'attentat dont il a été victime, et pas mal d'années avant. Il a beaucoup joué avec la mort, avec les vanités. Un mot là-dessus peut-être, Cécile Guilbert, notamment sur l'autoportrait avec crâne dont vous parlez dans votre livre. Alors ça, c'est une chose intéressante. À partir du moment où il s'est mis à dessiner des crânes, ça aussi, c'était complètement secret, en fait. Il s'était procuré un crâne chez un antiquaire, et puis il a fait toutes ses vanités qu'il a disséminées, d'ailleurs, dans un de ses livres où il y a toutes les photos de tout ce monde new-yorkais, de tous ces people, de tout ce jet-set, etc. Et il a disséminé des crânes comme une sorte de memento mori en disant « Souvenez-vous que vous devez mourir ». En fait, il n'était pas du tout fasciné par la mort. Il n'allait jamais à aucun enterrement. Le cadavre, quelque chose qui le laisse complètement froid, mais il est catholique quand même. Donc il ne veut pas être enterré avec sa famille, il sera enterré dans une tombe à côté, il détestait la famille, il détestait les groupes, d'une certaine façon, il a un rapport à la mort, il veut être en fait vaporisé, son rêve c'est d'être vaporisé dans l'espace comme ça, comme une sorte de poudre et qu'il ne se passe plus rien, qu'il n'y ait plus rien, etc. Mais en fait il est quand même catholique, donc il se fait enterrer, tout ça est un peu, voilà, un peu paradoxal, il est un peu tiraillé à ce niveau-là. Et on terminera là-dessus, Cécile Guilbert, je renvoie nos auditeurs sur votre essai Warhol Spirit, publié chez Grasset. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et tout de suite, c'est la chronique traditionnelle de cette fin d'émission avec vous, Maïalène Berasategui du Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour Maïalène. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous lire un extrait de Handy Handy, un roman de Michel Nuritzani dans lequel un jeune marchand d'art fait, bien malgré lui, la conquête de Andy Warhol. Oui, ce jeune marchand s'appelle Jean Delacroix, donc au début du roman, il est étudiant. Et on découvre avec lui la versatilité du monde de l'art. Très rapidement, il commence à faire des faux, il va s'associer à des malfrats, à des marchands véreux. Et il va vendre des toiles volées, de petits mètres parce que sinon ça se voit, dans le marché asiatique, et puis des faux. Donc il rencontre Warhol au Japon. Et finalement, ce qui les rapproche, c'est qu'ils sont tous les deux transfuges, tous les deux dans une espèce de mise en scène permanente d'eux-mêmes. Et Warhol, qui va être fasciné par ce garçon, va finir par lui proposer de le remplacer. C'est le moment que je vais vous lire. On vous écoute. Ce délire, il l'énonce sur un ton posé, méticuleux, comme pourrait le faire un chirurgien qui préconise l'ablation d'un membre en termes cliniques. Calmement, ou comme si nous nous trouvions dans une réunion d'actionnaires. Que dit-il ? Sa lassitude. Marre de jouer ce rôle de crétin, de mangeur de hamburgers, de soupe Campbell et de Coca-Cola, ce rôle de lecteur de BD. Marre de sa perruque argentée, des travestis, des jolies filles qui l'entourent, qui piaillent, se détestent, fomentent des complots pour s'éliminer les unes les autres et s'attirer les bonnes grâces et les regards du boss, en profiter seul. Marre de la factory, l'usine à produire des œuvres en série. Marre des petits cons qui les fabriquent et répètent partout qu'ils ne font rien et qu'ils font tout, eux. Candy ne leur montre jamais ou pas assez sa reconnaissance. D'où la nécessité de les prendre de vitesse et de proclamer, lui, qu'il ne fait rien. Toujours la même technique, dire très haut ce que tout le monde pense tout bas et ainsi laisser entendre le contraire. Marre de se conduire en manager plus qu'en artiste, d'apposer sa marque partout, sur le Velvet, sur les films de Morrissey qui n'y comprend rien, déteste Sleep, Empire et rêve de prendre le pouvoir à la Factory. Pour réaliser ce dont il rêve, un cinéma médiocre et banal, à son niveau. Marre de Castelli, bon vendeur, oui, mais qui joue les pontes et les découvreurs alors qu'il n'en a pas la carrure. Marre de Malanga qui se croit poète, de Nico qui s'imagine autrement qu'en jolie fille à frange blonde, des exigences, des dits des colères, des dits des excès, des dits la pauvre petite fille riche. Marre de Lou Reed qui assume mal son homosexualité et fait chier tout le monde. De Lichtenstein qui lui fait sentir chaque fois qu'il le voit, qu'il sait qu'il a commencé par le copier. De Gelzhaler, de ses discours crus et de ses cigares. De Village Voice et de ses prises de position énergiques mais à géométrie variable. De l'hôtel Chelsea qui lui doit presque tout et ne parle jamais de lui. De Maxis où l'on mange vraiment trop mal. De Truman Capote qui a perdu toute sa grâce d'écrivain et Minot de plus en plus pour faire oublier qu'il n'est plus un beau jeune homme brillant mais un vieil alcoolique cocaïnomane d'1m62. De Dali qui se survit en histrion bafouillant, marre de Duchamp et de ses silences surévalués, marre des collectionneurs et de leurs dîners pour fêter leur dernier achat, marre des conservateurs de musées qui courent derrière la mode, marre des photographes, marre des journalistes. Marre. Il pourrait continuer ainsi, longtemps, mais il s'arrête. Une pluie fine tombe, transparente et chaude. Le compteur affiche une somme effrayante, mais qui ne m'effraie pas. Je suis encore un marchand riche. Je m'entends articuler quelques mots cotonneux. La lassitude suffit-elle ? Non. Non, et c'est tout. Un non tranchant. J'attends. Rien d'autre ne vient. Ben voilà qui nous donne envie de lire Andy Andy de Michel Nuritsani chez Flammarion en 2012. Merci beaucoup Mayalène pour ce point d'orgue à notre émission d'aujourd'hui. La compagnie des œuvres, c'est Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Jeanne-Pin, Pierre Cataneo et Sylvie Cindy Le Grumelec. Demain, on parle de la démocratie dans l'art américain de Warhol. C'est Didier Ottinger qui nous en parlera en première partie. Et en seconde partie, Hervé Vanel évoquera le roman A Novel. Tout de suite, c'est les sciences sur culture.